avenir pour la France au bord du chaos. Lève-toi et marche en évitant une révo. Quel avenir pour la France dirigée par sa peau. Avoir des rêves, être ambitieux sans un point mal à son égo. Oh oh oh. Quel avenir pour la France au bord du chaos. Lève-toi et marche en évitant une révo. Quel avenir pour la France dirigée par sa peau. Avoir des rêves, être ambitieux sans un point mal à son égo. Oh oh oh. Sarko, fais-tu tes impôts. Sarko, feras-tu ton four. Pour faire un constat sur ces 5 dernières années. Ton mariage avec Calabron, c'est tout ce qu'on nous montre au drapeau. A voir que ce que tu fais, classé top secret, agent Sarko 00. Les citoyens qui ont voté pour toi se promener en bateau. Et c'est ballot, perso au premier tour, j'ai voté pour l'ego. Logique au deuxième tour, j'ai voté ses collègues. Alors que Sarko s'en passait, forcément que j'ai la haine. Quel avenir pour la France au bord du chaos. Lève-toi et marche en évitant une révo. Quel avenir pour la France dirigée par sa peau. Avoir des rêves, être ambitieux sans un point mal à son égo. Oh oh oh. Quel avenir pour la France au bord du chaos. Lève-toi et marche en évitant une révo. Quel avenir pour la France dirigée par sa peau. Avoir des rêves, être ambitieux sans un point mal à son égo. Oh oh oh. Pas d'armes, pas de gendarmes dans ma rue. C'est avec intelligence que je vais niquer Jean-Marie. Pas de présentation au présidentiel. Seulement un petit texte venu de la chapelle. Une élection réalité comme la Starac. Pour Sarko taper 1 et pour Sego taper 2. Les Amériques ont élu le premier noir. C'est plutôt Barack, la France a élu le premier nain. Inspecteur Sarko, UMP facho. Tu nous l'as mis dans le babac. Mais tu crois quoi? On va se taire, on va se laisser faire. Politique mytho, tu nous promets du faux. Votez pour moi, je suis un roi. Petite pute, arrête ta pute. Tu nous as charmé, tu t'es trompé. On débarque armé, deux mots chargés. Balance une rime contre ton hymne. Quel avenir pour la France au bord du chaos. Lève-toi et marche en évitant une révo. Quel avenir pour la France dirigée par Sarko. Avoir des rêves, être ambitieux sans armes, sans mal à son égo. Oh oh oh. Quel avenir pour la France au bord du chaos. Lève-toi et marche en évitant une révo. Quel avenir pour la France dirigée par Sarko. Avoir des rêves, être ambitieux sans armes, sans mal à son égo. Oh oh oh. J'assure, j'crache sur les bavures policières, les meurtriers de nos frères, les réseaux pédophiles, ces bâtards violopiques. Pour eux pas de pardon, n'ai-je pas raison. Les enfants crèvent la dalle, la mafia trafique la cape. Les politiques s'enrichissent sur la misère, mais les peuples dans la galère. Surendettement de nos parents, délinquance de leurs enfants. Ils nous font croire sans argent, pas gloire. V'là la musique de l'espoir pour tous les chats noirs. Faut t'assimiler, j'écris ces rimes comme des missiles. Que visent dans le mille les dirigeants et leurs chiens de garde. Avant l'action, une mise en garde. De plus en plus de méfiance pour la justice et sa balance. Certains dépôts, d'autant grand tôle, n'ont pas d'avenir pour la France si on entre dans leur danse.